إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on va commencer aujourd'hui le cours 21 dans l'explication du Sharh de Al-Usul al-Thalatha du livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, expliqué par le Cheikh Zayd ibn Mohammed ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah. Juste avant de commencer, j'aimerais mentionner que aujourd'hui justement le Cheikh Hafizahullah il est rentré à l'hôpital et il s'est senti mal. Il a eu un malaise et sa santé donc est un peu en ce moment sa santé est pas très bonne. Donc on demande aux frères de faire des doigts pour le cheikh pour que sa santé s'améliore, parce que il y a un autre cheikh qui s'appelle le cheikh Awaji Mahjari qui est décédé hier, et lorsque le cheikh Zayd a entendu la nouvelle du décès de ce cheikh, il a commencé à avoir des malaises lui aussi. Tout d'un coup, c'est comme s'il a eu des manques de souffle, puis il a eu ses reins ont lâché aussi, donc il a eu des problèmes aux reins. Donc il a été amené à l'hôpital, et donc il a été admis à l'hôpital. Et mais d'après ce que j'ai eu comme information également de la part de son fils, quelqu'un a contacté son fils et il semblerait que sa situation, son état s'améliore. Donc, alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la santé et le préserve et le guérisse. Amin. Donc, pour continuer donc avec le dars, là où on est rendu, parce que en passant, le cheikh il est pas jeune, il est dans les 83, je crois qu'il a environ 83 ans. Donc il est assez âgé, le cheikh Hafizahullah. Le cheikh maintenant il va expliquer la partie du livre où l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dit فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةَ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهِ. C'est-à-dire, et si on te dit quels sont les trois fondements qui sont obligatoires à l'homme de connaître. Quels sont les trois fondements qui sont obligatoires à l'homme de connaître? Le cheikh, il répond en expliquant que le premier de ces trois fondements-là, c'est de dire qu'il faut connaître, le serviteur doit connaître son Seigneur. C'est-à-dire, on doit connaître Allah, subhanahu wa ta'ala, avant toute chose. Et juste avant de lire l'explication du cheikh Zayd à ce sujet-là, eh bien, il faut comprendre que ça, c'est fondamental et que c'est logique. Même, parce que tu ne peux pas adorer ton créateur si tu sais rien sur lui. Tu ne peux pas adorer Rabb al-Alamin si tu ne sais pas qui il est, et si tu ne le connais pas comme il faut, hein, et si tu n'as pas une connaissance exacte à son sujet, une connaissance qui est basée sur des sources authentiques. Sinon, ton adoration envers lui sera déficiente, sera incomplète, sera même parfois incorrecte, et c'est pourquoi parfois même certains d'entre les êtres humains sont tombés dans des erreurs, même dans l'adoration et dans le shirk, à cause des fausses compréhensions et des erreurs qu'ils avaient dans la connaissance de Allah subhanahu wa ta'ala et qui il est. Et tu vas remarquer que Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu le connais, plus tu l'aimes. Et plus tu le connais, plus tu le crains. Tandis que moins tu le connais, moins tu l'aimes. Et moins tu le connais, moins tu le crains. Hein, parce que la connaissance que tu as de lui est trop limitée pour te permettre de vraiment avoir pour lui l'amour qu'il doit avoir de ta part, et en même temps pour avoir la crainte qu'il mérite de la part de son serviteur. Donc de faire des efforts, de connaître, d'essayer d'apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et de le connaître tel qu'il s'est décrit lui-même, tel qu'il s'est fait connaître lui-même dans sa révélation, c'est-à-dire dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths qui sont authentiques à propos de yani les exemples et des descriptions des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est fondamental et c'est essentiel. Celui qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas l'adorer. Et donc c'est pour ça que le premier des trois fondements dont le cheikh il parle maintenant, c'est le premier, c'est de connaître Allah. Ma'arifatul abdi rabbahu. Et, na'am. Donc le cheikh il explique, cheikh Zayd, il dit Ma'arifatul abdi rabbahu, il dit Fa'amma rabbu subhanahu wa ta'ala, alladhi lahul asma'ul husna, was sifatul kamila al-ula, fahuwa al-murabbi li jami'i makhluqatih, fi alim al-ardi wa fi alim al-sama', wa ma bayna thalik. إذ الكل لا يستغني عن الله طرفة عين. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne Ar-Rabb, subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, c'est celui qui détient les plus beaux noms et les attributs les plus élevés et les plus parfaits. C'est lui qui yani gère sa création et qui la contrôle et qui l'élève et qui l'éduque et qui la fait se développer à travers yani son développement. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère toutes les créatures dans le monde terrestre et également le monde céleste. Donc dans tous les niveaux, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ça. Et il s'occupe de ce qui est sur terre, de ce qui est dans le ciel et de tout ce qui existe entre les deux. Et il n'y a aucune des créatures, il n'y a aucune création d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit même d'un clin d'œil. Que ce soit même d'un clin d'œil. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment ou une fraction de seconde où il n'y a pas une particule dans l'espace ou dans l'univers qui peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala, fût-ce d'une fraction de seconde. D'accord, donc ça c'est le besoin qu'a la créature de son créateur et de son maître, Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il explique ensuite, il dit وَتَرْبِيَةُ اللَّهِ لِمَخْلُقَاتِهِ عَلَى قِسْمَيْنِ تَرْبِيَةٌ عَامَّةٌ وَتَرْبِيَةٌ خَاصَّةٌ. Donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala gère sa création et s'en occupe, ça c'est à deux degrés ou dans deux catégories. La première catégorie, c'est la catégorie qui est générale. Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de sa création et fait développer sa création et ses créatures de façon générale. Il s'occupe d'elles de façon générale et il s'occupe d'elles de façon particulière. Donc il y a deux catégories. Une tarbiya qui est générale et une tarbiya qui est spécifique et particulière. أما التربية العامة فهي تشمل جميع المخلوقات من بر وفاجر ومؤمن وكافر وناطق وصامت إذ الكل إذ كل المخلوقات مفتقرة إلى الله عز وجل فهو المربي لها بالإيجاد والرزق والأمن والاستقرار وجميع النعم الدينية والدنيوية إلا من أبى من نعمة الدين فقد ظلم نفسه وسيلقى في دار الجزاء جزاءه. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne l'éducation ou le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de sa création de façon générale, ça comprend toutes les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de toutes ses créatures sans exception de façon générale. dans le sens qu'il s'occupe du pieux ou du pervers, de l'obéissant ou du pécheur, du croyant ou du mécréant, hein, de celui qui parle ou de celui qui ne peut pas parler. Toutes les créatures ont ce besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de toutes ces créatures de façon globale et générale. Quand Allah subhanahu wa ta'ala gère l'univers, gère la terre et les créatures qui sont sur cette terre, eh bien, il s'occupe de tout le monde en même temps. Hein? Et toutes les créatures, peu importe de leur situation ou de leur état. Et il dit, c'est lui qui les a créés et qui s'en occupe et qui gère leur situation, qui les nourrit, qui les crée, qui leur donne leur subsistance, qui les préserve, qui les protège et ainsi de suite. Dans toutes les grâces qu'il leur a données, que ce soit les grâces qui ont rapport avec les affaires de la religion ou les grâces qui ont rapport avec la vie des choses de la vie d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne toutes ces grâces-là, excepté celles dans les créatures, bien entendu, qui refusent cette grâce de la religion. Donc celui-là, il s'est fait de l'injustice à lui-même, et dans la demeure de la rétribution, c'est-à-dire dans l'au-delà, eh bien, il aura sa rétribution et sa punition pour avoir refusé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. أما التربية الخاصة فهي تربية خاصة لعباد الله المؤمنين وهي لا تكون إلا لهم لأنهم أتوا بسببها وهو الاستجابة لله وللرسول جملة وتفصيلا وهذه التربية الخاصة هي تربية النصر والتأييد والتوفيق والهداية والرعاية إلى أقوم طريق وهذا خاص بعباد الله المؤمنين لأنهم أهل لذلك أتوا بسبب هذه التربية الخاصة من الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الحق عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Donc le cheikh, il explique qu'il y a une autre éducation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou une façon dont il s'occupe de sa création de façon plus particulière. Et ça comprend la façon dont il s'occupe de ses serviteurs parmi les croyants. Donc eux, ils ont une attention de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est spécifique et particulière, contrairement à l'attention générale qu'il donne à la création en entier. Il y a une attention spécifique et spéciale que Allah subhanahu wa ta'ala donne aux croyants parmi ses créatures, et celle-là, c'est uniquement pour eux, uniquement pour les croyants. Et cette tarbiyah de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants, ils l'ont reçue à cause du fait qu'ils ont répondu à l'appel d'Allah et à l'appel de son messager de façon globale et générale, et de façon particulière et détaillée. Et cette éducation ou cette tarbiyah qui est spécifique aux croyants, ça comprend le fait qu'il leur donne son support et sa victoire et son succès et sa guidance, et qu'il les guide vers la meilleure des voies et la plus droite des voies. Et ça, c'est spécifique aux croyants parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils ont mérité cette tarbiyah et parce qu'ils ont ramené les causes pour l'obtenir en répondant à Allah, à son messager dans leur appel, et en implémentant la parole d'Allah qui est la vérité lorsqu'il dit dans le verset 24 dans sourate Al-Anfal, ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'il vous appelle à ce qui vous fera vivre ou à ce qui vous donnera la vie. Iza da'akum lima yuhyikum. Parce que pourquoi on dit lima yuhyikum lorsque vous répondez à ce qui va vous donner la vie? Parce que tous les hommes vivent, même les koufars, on les voit, ils respirent, leur cœur bat. Mais c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie dont Allah subhanahu wa ta'ala parle ici, c'est la vie de la foi, lorsqu'elle rentre dans le cœur. Et c'est là que quelqu'un devient réellement vivant. Et dans l'au-delà, ils auront la vie éternelle. Tandis que, c'est-à-dire ils ont la vie éternelle dans le paradis, dans les délices. La vie éternelle, les koufars aussi vont la voir dans l'enfer. Ils vont vivre éternellement dans l'enfer. Mais ça, c'est pas une vie, puisque c'est une vie de châtiment. Hein? Donc c'est comme, c'est une vie, mais c'est comme si c'était un châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets dans le Coran, justement, quand il parle du châtiment des koufars, il mentionne que dans l'enfer, ils ne vont pas vivre et ils ne vont pas mourir. C'est-à-dire qu'ils vont souhaiter mourir, mais ils ne pourront pas. Hein? Donc, comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. Donc ils disent, ceux qui ont mécru, ils auront l'enfer, on va pas les terminer complètement et on ne va pas non plus la yuqda alayhim fayamut, on va pas les terminer de façon définitive pour qu'ils meurent. ولا يخفف عنهم من عذابها. Et en même temps, on ne va pas non plus leur diminuer de leur châtiment. Hein? Donc, ils sont dans un état où ils ne meurent pas, mais à chaque fois qu'ils approchent de la mort, ils revivent. Allah subhanahu wa ta'ala ne les laisse pas mourir dans l'enfer, malgré la dureté du châtiment. Et même dans d'autres versets, il mentionne que chaque fois que leur peau est brûlée, Allah leur donne une nouvelle peau pour qu'ils puissent goûter au châtiment dans l'enfer, na'oudou billah, hein, qu'Allah nous préserve. Donc la vraie vie, c'est la vie de la foi. فالمؤمنون استجابوا وأسروا وأذعنوا لنداء الله وتوجيهه الكريم فأطاعوا ربهم وأطاعوا نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم فأكرمهم الله التربية الخاصة والهداية الخاصة. Donc le cheikh il dit que les croyants, ils ont répondu et ils ont donné l'oreille et ils ont répondu et implémenté ce que Allah leur ordonne en les appelant. Hein? Ils ont répondu à l'appel noble et ils ont obéi à leur Seigneur et obéi à leur prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, résultat de ça, Allah leur a fait l'honneur et la générosité de cette tarbiya. Donc les croyants, ils ont cette attention d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est particulière et une guidance particulière aussi, pas comme les autres créatures. Et il dit, pour terminer ce point-là, il dit إذن فمعرفة الرب والإيمان به على الوجه اللائق بعظمته وجلاله أصل أصيل من أصول الدين يجب على كل إنسان أن يحسنها ويعبد الله على أساسها. Donc le cheikh il dit que donc la connaissance du Seigneur Allah et d'avoir la foi en lui de la manière qui lui convient et qui convient à sa grandeur et à sa majesté, c'est un fondement fondamental parmi les fondements de la religion et il est obligatoire à chaque homme de la connaître correctement et de bien la connaître pour qu'il puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala selon la base de cette connaissance-là. D'accord? Et il dit ensuite, donc huwa ma'rifatul 'abdi rabbahu, ensuite wa dinahu, c'est-à-dire et de connaître sa religion. Connaître la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh il explique ce que ça signifie en résumé. Il dit wa hadha huwa al-asl ath-thani ma'rifatu al-'abdi ma'rifatu al-'abdi li din al-islam wa ma ahwaja al-umma li ma'rifati din al-islam fa huwa dinuha wa huwa as-silatu baynaha wa bayna Allah 'azza wa jalla wa huwa alladhi amara Allah tabaarak wa ta'ala al-umma أن تعتنقه وترضى به وتسلم لأوامره وأن تسلك طريقه التي تفضي بسالكها إلى رضا الله وجنات النعيم. قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. Donc le Cheikh il explique que le deuxième principe, le deuxième fondement, al-aslu thani, c'est de connaître la religion de l'islam. Que le serviteur connaisse la religion de l'islam. Et comme il est grand le besoin de la umma, le besoin de la nation musulmane pour connaître la religion de l'islam. Parce que c'est sa religion, c'est la religion de cette umma. Et c'est le lien et la connexion qu'il y a entre la umma et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette religion. Et c'est ce que Allah a ordonné à la umma d'accepter et de suivre et d'agréer comme religion, et qu'il a ordonné de suivre et dont il a demandé de respecter les ordres et les principes et les enseignements. Et c'est la voie qu'on doit suivre et qui nous amènera, si on la suit correctement, à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et au paradis, au jardin des délices que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les croyants. Comme il mentionne le verset 19 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: certes, la religion pour Allah est l'islam. Donc il n'y a pas d'autre religion qu'Allah acceptera de l'être humain, excepté l'islam. Que ce soit le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme ou l'hindouisme ou n'importe quelle autre croyance ou religion qui existe, le protestant, baptiste ou les autres différentes tendances, ou le voodooisme ou les autres religions qui existent chez les hommes, toutes ces religions-là ne seront pas acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit: wa hadha al-hasr wal-qasr li taqtasir al-umma kullaha ba'da bi'thati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, arabuha wa ajamuha wa qasiha wa daniha في عبادتها وصلتها بربها على دين الإسلام وحده دون سواه. وأكد الله هذا المعنى بقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Donc le Cheikh il explique que la limitation que Allah a mentionné à propos du fait que Allah va uniquement accepter l'islam et que c'est seulement l'islam qui est la religion que Allah a choisie, c'est pour que la umma se limite au fait de suivre l'islam seulement, et que toute la umma, depuis la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous obligés, pour avoir un lien avec leur Seigneur et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'adorer Allah par la religion de l'islam seulement, en dehors de toutes les autres, que ce soit des arabes ou des non-arabes, que ce soit des gens qui sont proches, qui sont proches de nous ou loin, ils n'ont pas d'autre choix pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala et adorer Allah correctement et d'avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé la signification de ça dans le verset 85 dans sourate Al-Imran. Et c'est un verset, tout musulman devrait le connaître et tout musulman devrait le mémoriser. Ça dit quoi? Celui qui cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et au jour de et dans l'au-delà, fil akhirah min al-khasirin, wa huwa fil akhirah min al-khasirin. Dans l'au-delà, c'est-à-dire au jour de la résurrection, il sera du nombre des perdants. Il sera parmi les perdants. Donc celui qui cherche une religion autre que l'islam, eh bien, Allah ne va pas l'accepter. C'est explicitement mentionné dans ce verset-là. Il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Et donc, si quelqu'un est sur une religion autre que l'islam, sa religion ne sera pas acceptée. Et le Cheikh, il explique et il élabore encore un peu plus. Il dit: وَمَنِ ادَّعَ أَنَّهُ يَعْبُدُ اللَّهُ أَنَّهُ يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى الملة اليهودية أو النصرانية أو أي ملة من الملل بدعوة أن بدعوة حرية الأديان التي لم يفهموها فهما صحيحا، فإنه كافر بدين الإسلام، وإنه من أهل النار، من أهل النار، وإن مات على ذلك بدليل النصوص الدالة على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، est-ce que tu as fait la salat, أخي؟ أتى جبريل عصر؟ أوكي، d'accord. Sinon, la sunna, quand on rentre à la mosquée, c'est de prier deux rak'at en rentrant, avant de s'asseoir. Ça, c'est la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique, « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رك'عتين. » C'est-à-dire, lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assoit pas avant d'avoir prié deux rak'at. C'est une sunna, nafila, d'accord? Donc ça c'est important. Barakallahu fikum. Le cheikh il dit donc que celui qui prétend qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala sur la religion juive ou chrétienne ou n'importe quelle autre parmi les religions sous prétexte de vouloir yani, se référer à la liberté religieuse ou à la liberté de croyance, eh bien, il n'a pas compris, yani, dans ce cas-là, il n'a pas compris la religion correctement et il est mécréant. Il a rejeté la foi en l'islam. S'il pense que celui qui adore Allah sur la religion juive ou chrétienne ou n'importe quelle autre religion est correct et qu'il a le droit de faire ça. Celui qui croit que c'est permis, il n'est pas musulman. Il n'a pas le droit, c'est-à-dire, il n'a pas le droit de croire que c'est permis ou que c'est acceptable d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sur le christianisme ou le judaïsme ou une autre religion. Et ça, c'est un point ici. Il y a beaucoup de gens qui, maintenant, à notre époque, parmi les certaines tendances des sectes ou des groupes contemporains, qui ont une attitude très, disons, erronée par rapport à ça. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Hassan. MashaAllah. Donc, il y en a qui pensent que, parce que vous allez voir des groupes comme les frères musulmans, ce qu'on appelle les frères musulmans, Al-Ikhwan al-Muslimoun. Parmi eux, il y en a, parmi les prêcheurs de ce groupe contemporain, qui disent aux gens que les juifs et les chrétiens ne sont pas des mécréants, sont des croyants pour eux. Et que leur religion, elle est correcte. Et ça c'est de la mécréance de dire ça, c'est de la mécréance. Parce que quand tu dis ça, tu dis le contraire de ce que Allah dit dans la révélation. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a dit clairement dans le Coran, لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Il a certes mécru celui qui dit que Allah est le troisième du trois, hein, comme ceux qui croient à la Trinité. Et il a certes mécru celui qui dit que Jésus est le fils est Allah, que Jésus est Allah. Et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de versets dans le Coran qui disent explicitement que celui qui croit en la religion des chrétiens, il n'est pas croyant, il est mécréant. Maintenant, il y en a qui jouent avec le fait que, ou qui mélangent avec le fait que les prophètes, Jésus et Moïse et les autres, que Allah leur fasse miséricorde et qu'ils soient satisfaits d'eux, que ceux-là étaient des vrais prophètes d'Allah et que c'était des gens qui appelaient à la religion d'Allah, ils se basent là-dessus pour prétendre que les chrétiens et les juifs aujourd'hui sont corrects. Mais ils ne font pas la distinction entre ces prophètes et qu'est-ce que ces gens-là aujourd'hui qui se disent juifs ou chrétiens, qu'est-ce qu'ils prétendent suivre. C'est-à-dire qu'ils prétendent suivre Moïse, ils prétendent suivre Jésus, mais ils ne les suivent pas vraiment. Puisqu'ils ont falsifié les messages de ces prophètes-là et changé le message fondamental de l'enseignement de ces prophètes. Et à cause de ça, même s'ils prétendent suivre Jésus ou suivre Moïse, ils ne le suivent pas réellement et correctement. Donc, ils n'ont rien à voir avec ces prophètes-là. Et ça, c'est de un. Et de deux, du moment que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu et qu'il y a un juif ou un chrétien qui suivait l'exemple de Moïse ou l'exemple de Jésus correctement, du moment qu'il entend parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il est au courant de sa venue et qu'il entend parler de lui et qu'il ne l'accepte pas et qu'il ne croit pas en lui et qu'il ne croit pas en le Coran, à partir de ce moment-là, il devient mécréant, même si il suivait correctement son prophète préalablement et même s'il était sur le message exact et authentique de ses prophètes-là précédents. Parce que du moment qu'il rejette la foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il devient mécréant. Comme s'il avait rejeté la foi en n'importe quel autre prophète. Donc si quelqu'un, par exemple, il se dit musulman, il dit « moi je ne crois pas en Moïse », on va dire « toi tu n'es pas musulman ». Parce que tu as rejeté la foi en Moïse. Et Moïse c'est un prophète et c'est obligatoire de croire en lui. Si quelqu'un qui se dit musulman, il dit « moi je ne crois pas en Jésus », eh bien, on lui dit, dans ce cas-là, tu n'es pas musulman, tu n'as pas cru en l'islam. Parce que tu as rejeté la foi en Isa, alayhi salam, et donc, en ayant rejeté la foi en Jésus, tu as rejeté la foi en l'islam. Parce que c'est un des piliers de la foi et un des éléments fondamentaux de la croyance islamique que tu dois croire et accepter et reconnaître tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans exception. Si tu en rejettes un seul, alors tu n'es pas croyant. Et la même chose pour les livres. Si tu rejettes la foi en la Torah ou en l'Injil, tu n'es pas musulman, même si tu prétends croire au Coran. Parce que le Coran t'ordonne de croire en la Torah et en l'Injil. Hein? Mais comme on l'a expliqué dans le cours précédent, que ça ne veut pas dire que le livre que les juifs ont aujourd'hui, c'est la vraie Torah, et ça ne veut pas dire que l'évangile que les chrétiens ont aujourd'hui, c'est la vraie Injil, mais nous on dit on croit au livre à l'origine tel qu'il était. Hein? Le livre qu'ils ont actuellement, c'est pas le même. Donc on n'y croit pas en la copie qu'ils ont aujourd'hui, mais on reconnaît que les prophètes d'Allah avaient ramené avec eux des livres, et ces livres-là, on y croit, et c'est obligatoire, et sinon on n'est pas musulman. Donc, la même chose pour celui qui rejette le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui rejette le Coran. Hein, s'il est juif ou chrétien et qu'il refuse ça, alors il n'est pas musulman, il n'a pas cru, il n'est pas parmi les musulmans, il n'est pas parmi les croyants. D'accord? Donc ça c'est fondamental. Et il dit donc il sera, s'il meurt dans cet état, c'est-à-dire s'il n'accepte pas la foi en l'islam avant sa mort, il sera parmi les gens de l'enfer s'il meurt dans cet état-là. Et les preuves dans la révélation à ce sujet-là sont nombreuses et sont générales sur le fait qu'il faut croire en le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un messager pour tous les hommes, pas seulement pour les Arabes, pour tous les peuples, pour toutes les origines de la terre, pour toutes les ethnies et pour toutes les différentes communautés sur terre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 158 dans sourate Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا, dit ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Pour vous tous, ça veut dire ô les hommes, ça veut dire toute l'humanité est concernée. Et il dit que je suis le messager d'Allah pour vous tous, ça veut dire tous les êtres humains sont compris sans exception. Et donc comme le cheikh il dit, la parole, quand Allah s'adresse aux hommes, ça n'exclut personne d'entre les fils d'Adam. Tous les fils d'Adam sont inclus. Donc ça c'est à propos de ce sujet là c'est important, parce qu'il y a des gens qui jouent avec ça parfois, ou qui mélangent avec, surtout avec les notions que les gens ont de des droits de l'homme, hein, qu'est-ce qu'ils appellent aujourd'hui la charte des droits et libertés ou la charte des droits de l'homme. Eh bien, il faut savoir que cette charte des droits de l'homme, elle est écrite par des hommes. Et que, étant donné qu'elle est écrite par des hommes, il y a des erreurs dedans. Il y a des choses qui ne sont pas correctes dedans. Et toute chose qui vient des hommes, qui a été inventée par les hommes, elle doit toujours être jugée par la révélation. Donc si les hommes font des, comme on avait parlé déjà dans les cours, dans le dernier cours, on a parlé des lois, hein, on a dit qu'on doit, on ne doit pas accepter les lois qui sont faites par l'homme, hein, si elles sont des lois qui en, sont en contradiction avec la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles doivent être rejetées. Eh bien, la même chose pour la charte des lois, c'est la même chose. La charte des droits et libertés, c'est la même chose. Il y a des droits dans cette charte qui sont en accord avec l'islam, on les accepte. Hein? Mais il y a d'autres droits ou d'autres libertés qui sont dans cette charte qui sont incorrectes, contraires, parce qu'elles sont contraires ou parce qu'elles sont contraires aux principes de la religion de l'islam. Et donc, on ne peut pas les accepter. Et on ne peut pas les accepter. Comme par exemple, comment on appelle ça, l'article qui dit dans la charte, par exemple, que les gens ont le droit de croire en la religion qu'ils veulent. Hein, et qu'on peut accepter que quelqu'un croit en n'importe quoi et change de religion comme il veut. Ça, c'est contraire à l'islam. Parce que l'islam ordonne aux hommes de croire en la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas faire le shirk, de ne pas adorer des idoles, de ne pas adorer des images, de ne pas adorer des hommes, des saints, des anges, des prophètes ou autres. Également, l'islam mentionne qu'il n'y a plus de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que quelqu'un ne peut pas se dire prophète. Selon la charte des droits et libertés, n'importe qui a le droit de se déclarer prophète. N'importe qui a le droit de se déclarer messager. N'importe qui a le droit de commencer une religion demain s'il veut. Hein? C'est pour ça que ce genre de charte, elle est en contradiction avec la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est sans mentionner les autres éléments de la charte qui vont par exemple permettre des hommes de se marier ou qui acceptent le fait que soit avec des hommes et il y a des rapports sexuels entre eux et les femmes la même chose entre elles, deux femmes entre elles ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses, on ne peut pas accepter ça. Donc la charte dit par exemple vous devez ne faire aucune discrimination par rapport à l'orientation sexuelle, par exemple. Bon, dans l'islam, on ne peut pas accepter ce genre de choses-là. Hein? L'islam ne tolère pas l'homosexualité. Et encore moins le mariage homosexuel. Parce que ça, c'est sans aucun doute quelque chose que Allah a interdit dans toutes les révélations. Le Coran et même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ça c'était clairement mentionné. Hein? Et donc c'est pour ça que des fois vous allez voir un exemple. Une fois j'étais dans une mosquée, puis ou bien pas dans une mosquée, mais j'étais chez quelqu'un qui était responsable d'une mosquée à Montréal. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on m'avait reproché d'avoir mentionné dans un livre que j'avais écrit, l'islam ou l'intégrisme, d'avoir mentionné certaines choses à propos de l'homosexualité et d'avoir critiqué ça. Donc il y en a des musulmans qui sont à Montréal, qui sont ici depuis longtemps. Leur intention en venant ici, c'était pas d'essayer de faire connaître aux autres l'islam, mais plutôt de s'intégrer et devenir comme les gens d'ici. Donc, par exemple, parmi ces gens-là, il y en a qui me disaient, moi, si je suis dans mon pays, hein, je vais dire que je suis contre l'homosexualité. Mais ici, je vais pas le dire. Hein? Donc, j'ai dit, Adjé, pourquoi? Hein? Il m'a dit, parce que ici, c'est pas mon pays. Et même, il a dit des choses graves encore par la suite, qui sont pas nécessairement en accord avec l'islam sur ce sujet-là, mais c'est pour dire, comme pour montrer que dans son pays, il irait même à l'extrême dans ça. Hein? Tandis que ici, il se permettrait pas. Je lui ai dit, je m'excuse, mon frère, mais moi, par exemple, je suis né dans ce pays. Même, avant même de croire en l'islam, hein, même quand j'étais pas musulman, j'étais contre ce genre de choses-là. Et j'avais lu la Bible, hein, et même si elle est falsifiée aujourd'hui, il y a encore des restes de choses à ce sujet-là qui mentionnent que c'est une chose qui est interdite. Et il y a même la mention dans l'Ancien Testament de la punition réservée à ceux qui faisaient ce genre de choses-là. Donc, je veux dire, moi, j'ai pas peur de dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de cette chose-là. Et mon intention en leur parlant de ce sujet-là, c'est pas de me faire accepter ou de faire en sorte que ces gens-là soient d'accord nécessairement avec moi, mais qu'ils sachent que c'est ça la religion d'Allah. Et je les appelle à croire en ce que Allah a mentionné dans la révélation à ce sujet-là, que ça leur plaise ou non, parce que c'est ça que Dieu nous a ordonné et nous a enseigné. Maintenant, si eux, ils ne sont pas d'accord, ça c'est leur problème. Hein? Mais on ne doit pas, par exemple, changer les enseignements de la religion uniquement pour faire plaisir à des athées ou à des homosexuels. Hein? Si, par exemple, il y a un voleur qui vole et qui est, par exemple, pas d'accord avec le fait que le vol soit interdit dans la vie, comme il dit, mais pourquoi, moi je suis pas d'accord avec l'islam parce que l'islam interdit le vol. Pourquoi? Il dit, parce que moi je suis un voleur, je veux voler, puis l'islam m'interdit de voler. Donc on dit, ah ben toi, dans ce cas-là, on va changer l'islam pour que l'islam accepte le vol pour te permettre de voler, comme ça tu vas l'accepter. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein? Est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un veut quelque chose ou a une passion envers quelque chose, on va lui permettre, hein? Donc nous on va dire non, ça c'est pas acceptable. Et ce sont des choses qui ont rapport avec l'âme en réalité. Ce sont des choses qui ont rapport avec des maladies que des gens ont dans leur âme, hein? Ce genre de tendance là. C'est la même chose avec il y a d'autres maladies que des gens ont. Que ce soit des gens qui ont des attirances sexuelles envers des animaux ou qui ont des attirances sexuelles envers des gens de leur propre famille comme de l'inceste, tout ça c'est interdit dans l'islam. De même que d'avoir des gens qui ont des maladies, qui sont attirés sexuellement par des enfants, hein, et qui harcèlent, qui agressent des petits-enfants, c'est la même chose. C'est des désirs, des passions, des désirs que les gens ont dans leur cœur, qui sont malades, hein, c'est des pathologies, et que ces gens-là, quand ils ont ces désirs-là, ça les pousse à satisfaire leurs désirs sexuels de manière qui sont, hein, incorrectes. Donc, si quelqu'un, il ressent en lui-même, supposons quelqu'un, il dit, moi je crois en Allah, et je crois en l'islam, et dans mon cas, j'ai une attirance sexuelle envers un être humain, un autre homme, du même sexe que moi. Qu'est-ce qu'il doit faire en tant que croyant? Est-ce qu'il doit dire, bon, parce que j'ai ça en mon cœur, ça veut dire que je dois le faire? Non. Supposons que tu vois une femme et que tu as une attirance sexuelle envers cette femme dans la rue. Est-ce que parce que tu as une attirance sexuelle envers cette femme, ça justifie de faire l'adultère avec elle? Non. Donc pourquoi, en tant que pourquoi dans ce cas-là, si tu es un vrai musulman et que tu vois que tu as une déviation dans ton cœur, du sens que tu es attiré par des gens qui ont le même sexe que toi, tu pourrais essayer de justifier ça par rapport au fait que dans la charte des droits et libertés, c'est justifié ou c'est permis? Non, tu es un musulman, tu dois t'arrêter à la limite de ton créateur, la limite d'Allah. Même si tu as ces passions ou ces désirs dans ton cœur, tu dois essayer de te contrôler. Tu n'es pas un animal. On n'est pas des animaux. Quand on est en période de reproduction, on voit une femelle ou quelque chose qui nous attire, on va vers cette chose. Non, on se retient parce qu'on est capable de se contrôler. Et l'islam nous enseigne de se contrôler. Donc, ce n'est pas toute attirance sexuelle ou toute tendance ou toute pulsion, on les écoute. Et il y en a parmi eux, parmi les koufars, qui disent, ils ont comme des slogans pour essayer de faire passer l'affaire, ils disent, on a le droit à l'amour, le droit à l'amour. Donc l'homosexualité, il appelle l'amour, l'adultère, il appelle l'amour, La fornication, il l'appelle l'amour. Tout ce qui est haram, pour le rendre beau ou pour le faire accepter des gens, ils vont l'appeler amour. Et c'est pas parce que tu as de l'amour envers quelque chose que la chose devient bien. Hein? Tu as de l'amour envers un animal, est-ce que tu vas justifier ça? Hein? Tu as un amour envers une femme dans la rue, tu dis ah, je vais aller avec elle. A'ouzou billah. Non, c'est pas parce que tu dis je l'aime que tu vas aller avoir des rapports sexuels avec cette chose ou avec cette personne. Donc ça c'est très important parce que c'est des choubouhat que les gens jettent à notre époque et ils essaient même de faire sentir les gens mal d'être contre ce genre de choses-là. Comme si tu n'avais pas le droit d'être contre. Comme si le fait d'être contre, ça faisait de toi quelqu'un, comme ils disent, d'intolérant, de rétrograde, et ainsi de suite. Donc, nous, yani, on est contre, et on n'a pas de doute là-dessus, et on n'a pas de honte non plus d'être contre ces choses-là. Et en même temps, ça ne veut pas dire que quand on va voir quelqu'un dans la rue qui est efféminé, hein, qui a des tendances féminines, c'est un homme mais il agit comme une femme, qu'on va aller le frapper ou qu'on va aller le battre, ça c'est pas permis, hein. Même si dans la loi islamique il y a une punition pour l'homosexualité, c'est la peine de mort si quelqu'un pratique la sodomie, hein, qu'il est exécuté. Mais ça c'est pas un homme comme toi ou moi dans la rue qui va appliquer cette peine. Cette peine, c'est uniquement lorsque, par exemple, la personne a été attrapée dans un pays musulman, qu'il y a des témoins, qu'il va être amené en cour, il va être jugé, hein, dans un procès, et que si les témoins ont effectivement vu l'acte explicitement avec leurs yeux, hein, et là, la personne va être accusée. Mais sinon, c'est pas à quelqu'un comme dans la rue là de se permettre d'appliquer des peines ou de vouloir frapper ces gens-là ou de leur faire du tort comme ça. Hein? C'est aux autorités de s'occuper de ces choses-là dans un pays musulman. Hein? Et aussi en même temps, ça ne veut pas dire que quelqu'un est efféminé qu'il est nécessairement homosexuel. Il y a des gens qui sont très virils en apparence, qui pratiquent la sodomie ou qui font des actes homosexuels. Donc, l'apparence, c'est pas un signe que quelqu'un est exempté de ce genre de choses-là. Et en même temps, quelqu'un peut être efféminé et ne pas être homosexuel. Et même à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait cette catégorie-là de ceux qu'on appelle al-mukhannathin. Ceux qui ont des tendances féminines parmi les hommes, qui agissent comme des femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a maudits. Et il a maudit les hommes qui agissent en femmes et les femmes qui agissent comme des hommes. Et il a encouragé aux hommes de ne pas ressembler aux femmes et aux femmes de ne pas ressembler aux hommes. Et il nous a établi des modèles à suivre, des exemples à suivre. Chez les hommes, c'est les prophètes. Et les femmes et les sahaba, et chez les femmes, c'est les femmes, les mères des prophètes, les femmes des prophètes et des hommes pieux, et les femmes des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est nos modèles et nos exemples à suivre. Comment pour être un homme, comment pour être une femme, et le mode de vie qu'on doit suivre si on accepte la foi en Allah. Mais à l'époque actuelle dans laquelle on vit, les gens sont tellement mélangés maintenant que il n'y a plus de repères. La question de sexualité maintenant, par rapport à l'homme et à la femme, c'est devenu quelque chose qui est laissé au goût de chacun. Comme si n'importe qui a le droit de décider qu'est-ce qui est masculin ou féminin. Il y en a même qui sont en train d'appeler à la négation des sexes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Et c'est pour ça qu'ils critiquent ce qu'ils appellent le sexisme, hein, de faire une discrimination ou une distinction entre les hommes et les femmes dans tout, que ça c'est pas correct, qu'il faut traiter et considérer l'homme et la femme égal dans tout. Et ça c'est de l'injustice, et ça c'est interdit. Pourquoi? Parce que l'homme c'est l'homme et la femme c'est la femme. On ne dit pas, ce n'est pas la question de savoir est-ce que l'homme est meilleur que la femme ou est-ce que l'homme est, la femme est meilleure que l'homme. De façon générale, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd ». Donc, il a préféré la femme à l'homme. Il a donné un degré plus élevé. « Walirrijal alayhinna daraja ». Les hommes ont un degré sur elles. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour dénigrer la femme ou la rabaisser. Mais c'est pour dire que chacun il a son rôle. Chacun il a sa responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il y ait cette différence et cette distinction entre l'homme et la femme pour une sagesse. C'est pas pour rien que la femme est créée comme elle est créée et que l'homme est créé comme il est créé. Et s'il y a cette différence et cette distinction-là, c'est pour un but et un objet. Hein? La femme, c'est elle qui porte le bébé. L'homme n'a pas d'utérus. Hein? Donc pourquoi? La femme, elle a des seins avec du lait. L'homme, il n'y en a pas. Hein? Et physiquement, elle est créée d'une façon et elle prépare la possibilité de porter un bébé 9 mois dans son ventre. L'homme n'a pas ça. Donc il y a une raison pour ça. C'est pas comme, étant donné que les koufars ils croient en la théorie de Darwin et l'évolution, et que c'est toute une affaire qui s'est passée par Big Bang et par chance, l'univers s'est évolué comme ça, donc on est juste des animaux évolués, hein? On a un cousin commun avec le singe, et puis donc, avec l'évolution on est devenu comme ça, puis par hasard il y a eu un homme puis une femme. Mais nous, on est croyants, donc on ne croit pas en ce genre de conte de fées-là. On croit en le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé l'homme et c'est lui qui a créé la femme. Et même chez les espèces animales, et même chez les fleurs, il y a des mâles et il y a des femelles. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu ça pour une sagesse. Donc, il a créé l'homme avec certaines caractéristiques et la femme avec certaines caractéristiques, et pour qu'il y ait une différence entre les deux. Et ces différences de rôle impliquent des responsabilités et des devoirs différents aussi. Donc dans les règles générales et les règles de base, l'homme et la femme sont égaux, ça s'il n'y a pas de doute, mais dans ce qui leur est spécifique, hein, et dans ce qui leur est particulier, ils sont différents. Et donc il faut être différent aussi et prendre en considération ces distinctions et ces différences-là, sinon on fait de l'injustice. Hein. Et même les koufars, ils le savent, ça. Pourquoi ils font des toilettes des hommes et des toilettes des femmes? Ils ne font pas des toilettes mixtes. Hein? Parce que la femme, elle ne pourrait pas aller dans un urinoir. Si avec des urinoirs, elle ne pourrait pas. Ce ne serait pas facile pour elle. Pourquoi il y a les Jeux Olympiques? On sépare les sports, les hommes et les femmes. Parce que même dans les résultats des épreuves, on voit que Les compétitions hommes et les compétitions femmes, il y a toujours un écart entre les deux. Parce que Allah a créé l'homme d'une façon et la femme d'une façon pour une sagesse. Hein? Et même dans les examens, une fois j'écoutais quelqu'un qui parlait de ça à la radio, il disait, même dans les examens qu'ils font, par exemple, pour que lorsque quelqu'un veut devenir policier ou même soldat ou autre, maintenant ils acceptent les femmes dans la police, ils acceptent les femmes dans l'armée. Avant, ce n'était pas le cas. Mais même dans ces tests-là qu'ils font, les critères pour les accepter, les femmes, ne sont pas les mêmes que les critères pour les hommes. Ils sont moins exigeants envers les femmes qu'envers les hommes. Pourquoi? Pour être juste. Parce que si tu vas être... Parce que les gens ont mal compris qu'ils ont pensé que... Ils ont pensé que la justice, c'est d'être égal. Alors que... Parfois, d'être égal, c'est une injustice. Et donc, il faut comprendre que l'égalité n'est pas synonyme de justice. Hein, et l'inégalité n'est pas synonyme d'injustice. Et donc, c'est pour ça que nous, on dit, on ne doit pas être, on ne demande pas à ce que le traitement entre l'homme et la femme soit égal, mais on demande à ce qu'il soit juste. Et qu'il respecte la nature de chacun et les distinctions, les différences de chacun. Parce que si tu demandes d'être égal avec les deux, tu fais une injustice à un ou à l'autre. Hein? Même entre les hommes, est-ce que tous les hommes sont égaux? Non. Il y a des hommes forts, il y a des hommes faibles, il y a des hommes grands, il y a des hommes petits, il y a des hommes beaux, il y a des hommes laids, il y a des hommes intelligents, il y a des hommes bêtes. Hein? Pourquoi tu vas demander, est-ce que tu vas demander, par exemple, dans les, même dans le sport, entre les hommes, il y a des catégories, il y a les poids lourds, il y a les poids légers. Hein? Est-ce qu'on va mettre deux hommes de poids différents ensemble pour se battre dans un match de boxe? Non, il y a des catégories. Hein? On ne va pas mettre tout le monde au même niveau. Hein? Donc, ça c'est juste un exemple, mais il y a plein d'exemples comme ça. Par exemple, entre les femmes, entre elles, est-ce qu'elles sont toutes égales? Non. Il y a des grandes, il y a des petites, il y a des grosses, il y a des maigres, il y a des laides, il y a des belles, il y a des intelligentes, il y a des moins intelligentes, et ainsi de suite. Tu vas prendre par exemple, bon, même chez les koufars, tu vas voir une femme qui est obèse, elle veut devenir ballerine. Est-ce que physiquement c'est possible pour elle? Non. Même on donnait souvent l'exemple comme ça, on disait, si on va mettre deux hommes, un homme à deux femmes. Il a deux femmes. Dans l'islam, on doit être juste envers nos femmes. Et il y en a qui, des fois, se trompent et ils disent on doit être égal envers toutes les femmes. C'est pas être égal qu'on doit être, c'est être juste envers elles. Supposons que tu as deux femmes, une qui est grosse et une qui est maigre. Et tu achètes la même robe pour les deux. Tu fais l'injustice à une des deux. Hein? Il faut être égal. Non, il faut être juste. Donc, tout ça, c'est juste pour nous faire comprendre que les koufars, ils sont en train de nous jouer avec la question de l'égalité de la femme et des droits de la femme pour nous faire accepter leurs principes dans les droits de l'homme, comme si c'était ça la base et la référence. Nous, on dit, vos principes que vous avez écrits sont des efforts d'être humain pour arriver à établir une certaine justice. Mais cet effort-là que vous avez fait, elle est limitée et elle est imparfaite. La preuve, regardez toutes les contradictions que vous avez dans vos lois. Et à chaque fois qu'il y a un problème, vous voulez écraser certains articles et écraser d'autres. Donc, nous on dit, on n'a pas besoin de ces droits de l'homme si on revient à la révélation de Dieu, la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'islam, il y a déjà les droits de l'homme dedans et qui sont parfaits. Il n'y a pas ces imperfections-là dedans. Hein? Et ça nous suffit en tant que musulmans. Pour nous, ça c'est suffisant. On n'a pas besoin d'autre chose. Hein? Donc, eux, ils essaient de nous critiquer par rapport à l'islam en essayant de trouver des éléments dans l'islam qui sont contraires aux droits de l'homme pour dire que qu'est-ce qu'on a comme religion, ce n'est pas correct. Nous, on fait le contraire. On leur dit non, c'est pas parce que nous on respecte pas les droits de l'homme que notre religion est pas correcte. C'est plutôt que les droits de l'homme sont pas corrects parce qu'ils ne respectent pas l'islam. C'est comme ça qu'il faut approcher l'affaire. Et également donc pour revenir à la question de la liberté religieuse par rapport aux droits de l'homme, c'est la même chose. Hein? Donc on n'accepte pas la mécréance et que ces gens-là soient sur leur religion, dans le sens qu'on les appelle à la croyance islamique. Hein? Et après, le cheikh, il dit donc, وَهَذِهِ الْمِشْكَاتِ وَمِنْ هَذِهِ الْمِشْكَاتِ جَاءَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِأَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌ أَوْ نَصْرَانِي ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Donc, le cheikh explique que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans le même sens, dans cette même explication là, il a dit, par celui qui tient mon âme en sa main. Nul juif ou chrétien de cette Ummah entend parler de moi, puis meurt ensuite sans avoir cru en ce que j'ai amené, excepté qu'il sera des gens de l'enfer, parmi les gens de l'enfer. Donc tu dois, hein, si tu entends parler de l'islam, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que tu es juif ou que tu es chrétien, tu dois absolument accepter cette religion et y croire. Sinon, tu seras parmi les gens de l'enfer. Ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. نعم فليس هناك دين ليس ثمة وليس ثمة طريق بعد بعثة الرسول بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم توصل إلى الله وإلى رضاه وإلى دار كرامته إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, il n'y a pas une religion. Une fois la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'autre voie que la voie de l'islam. La voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui peut t'amener vers Allah et vers son agrément et vers la demeure de sa générosité. C'est uniquement la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc je voulais juste vous mentionner quelques exemples de quelques choses qui sont quelques versets qui sont mentionnés dans les livres des juifs et des chrétiens à propos de qu'est-ce qui a rapport avec le tawhid. J'en avais parlé au dernier cours, j'avais dit que j'allais vous en lire quelques-uns. Par exemple, qu'est-ce qui a rapport avec l'interdiction du shirk? Dans Exode 20, de 3 à 5, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée, ni aucune figure de ce qui est en haut dans le ciel, ou de ce qui est en bas sur la terre, ou de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne te prosterneras point, car moi, Yahvé ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Donc ça c'est clair pour l'interdiction des images, des idoles, de tout ce qui est sculpté, représentation, même dans les cieux, sur la terre et dans la mer. Pourtant tu rentres dans une église, la première affaire que tu trouves c'est des croix, des images, des statues, des représentations. Même au Vatican, dans la cathédrale, tu vois que sur le plafond, une grosse peinture qu'ils ont fait d'un homme âgé, barbu, qui est nu, qui flotte dans les airs, et qu'il y a un autre homme à côté de lui qui tend la main, puis des petits bébés avec des petits bébés nus avec des ailes dans le dos, et on représente ça comme étant Dieu avec ses anges et Adam. Ou des choses comme ça. Ça déjà, de faire ces représentations-là, c'est du shirk. C'est du kufr. On n'a pas le droit de représenter quoi que ce soit et de dire que c'est Dieu. Puisqu'il n'y a rien qui ressemble à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, il y en a de faire des anges comme des bébés nus comme ça, avec des ailes. Ça n'a rien à voir avec les anges, la réalité des anges. Allah, subhanahu wa ta'ala, il en parle dans le Coran. Il dit que les anges, sont soit avec 2, 3 ou 4 ailes et il peut les augmenter comme il veut, c'est-à-dire augmenter le nombre d'ailes qu'ils ont. Et même que Jibril, l'ange Gabriel, a 600 ailes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'ange Gabriel a 600 ailes, avec un seul de ses ailes, il peut couvrir l'horizon. Il couvre le ciel et la terre avec un seul aile. Donc ça c'est dans son apparence d'ange. D'accord? Donc, ce n'est pas des petits bébés avec des ailes. Non. Oui, c'est comme j'expliquais au dernier cours. Eux, ils ont marqué Yahvé, mais j'ai expliqué que c'est les Juifs, ils ne voulaient pas écrire Dieu ou le nom de Dieu, donc ils remplaçaient ça par les quatre lettres Y, H, W, H. Il y en a qui ont dit Yahweh, il y en a qui dit, ils ont écrit Yahuwah. Eux, ils ont écrit Yahvé, ou Yahvé, et il y en a qui écrivent Jéhovah. Bon, c'est, comme j'avais expliqué, il n'y a pas de J en hébreu, mais c'est pas un nom. C'est le mot qu'ils ont, c'est les quatre lettres qu'ils ont mis pour ne pas dire le nom de Dieu, ou pour ne pas dire Dieu. Oui, c'est dans l'Ancien Testament. Mais ils parlent d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en fait, le Créateur. Naam. Il y a d'autres versets comme ça. Ça il y a celui de Exode que j'ai lu. Il y a celui qui est dans Deutéronome chapitre 5, versets 6 à 9. La même chose qui est écrite de façon claire. Je suis Yahvé ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni aucune figure de ce qui est en haut dans le ciel, ou de ce qui est en bas sur la terre, ou de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant eux, et tu ne le serviras point, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Et puis, regardez la peine qui est réservée dans l'Ancien Testament à toute personne qui commette du shirk. Regardez qu'est-ce qui est écrit. Si ton fils, fils de ton père ou de ta mère, ton fils, ta mère, l'épouse qui repousse sur ton sein, ou le compagnon qui est un autre toi-même, cherche dans le secret à te séduire en disant « Allons servir d'autres dieux » que tes pères ni toi n'avaient connu, parmi les dieux des peuples proches ou lointains qui vous entourent, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu ne l'approuveras pas, tu ne l'écouteras pas, ton œil sera sans pitié, tu ne l'épargneras pas, tu ne cacheras pas sa faute. Oui, tu devras le tuer. Ta main sera la première contre lui pour le mettre à mort. Et la main de tout le peuple continuera l'exécution. Tu le lapideras jusqu'à ce que mort s'en suive. Car il a cherché à t'égarer loin de Yahvé ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tout Israël, en l'apprenant, sera saisi de crainte et cessera de pratiquer ce mal au milieu de toi. Ça, c'est pour un individu. Hein, qui fait le shirk. Maintenant, pour une ville, quand on apprend qu'une ville fait le shirk, qu'est-ce qu'il dit? Si tu entends dire que dans l'une des villes que Yahvé ton Dieu l'a donné pour y habiter, des hommes, des vauriens, issus de ta race, ont égaré leurs concitoyens en disant « Allons servir d'autres dieux que vous n'avez pas connus », tu examineras l'affaire, tu feras une enquête. Tu interrogeras avec soin. S'il est bien avéré et s'il est bien établi qu'une telle abomination a été commise au milieu de toi, tu feras passer au fil de l'épée les habitants de cette ville. Tu les voueras à l'anathème, elle et tout ce qu'elle contient. Tu en rassembleras toutes les dépouilles au milieu de la place publique et tu brûleras la ville avec toutes ses dépouilles, l'offrant tout entière à Yahvé ton Dieu. Elle deviendra pour toujours une ruine qui ne sera plus rebâtie. De cet anathème, tu ne garderas rien, afin que Yahvé revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde comme il l'a juré à tes pères, à condition que tu écoutes la voix de Yahvé ton Dieu en gardant ses commandements, je te prescris aujourd'hui, et en pratiquant ce qui est juste aux yeux de Yahvé ton Dieu. Hein? C'est pour ça que une fois il y a un juif qui m'a dit que les rabbins ils expliquent l'Holocauste de cette façon-là. Ils ont dit que les juifs ont été punis par Dieu parce qu'ils ont suivi les voies des non-juifs et des chrétiens. À cause de qu'ils sont mélangés avec les chrétiens et qu'ils ont vécu comme eux, Dieu les a punis avec ça. Ça, c'est un rabbin qui dit ça. Hein? Donc, imaginez. Quand tu lis ça, la destruction des idoles. Voici les lois et les coutumes que vous garderez et pratiquerez dans le pays que Yahvé, le Dieu de tes pères, t'a donné pour domaine tous les jours que vous vivrez sur ce sol. Vous abolirez tous les lieux où les peuples que vous dépossédés auront servi leur Dieu, sur les montagnes, sur les collines, sous les arbres verdoyants. Vous démolirez leur autel, briserez leur stèle, leurs pieux sacrés, vous les brûlerez, les images sculptées de leur Dieu, vous les abattrez, vous abolirez leur nom en ce lieu. Deutéronome 12, 1 à 3. La punition pour le blasphème. Tu parleras aux enfants d'Israël en disant « Tout homme qui maudit son Dieu portera son péché. Celui qui blasphème le nom de Yahvé sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Étranger ou indigène, s'il blasphème le nom sacré, il mourra. Hein? » Sans parler des peines corporelles, le talion, hein? Et tantôt on parlait de l'homosexualité, la peine pour l'homosexualité, l'homme qui couche avec un homme, comme on couche avec une femme, c'est une abomination qu'ils ont tous deux commise, ils devront mourir, leur sang retomberont sur eux. Lévitique 20, 13. Et pour la bestialité, la même chose, des hommes avec des animaux, quoi. La peine pour l'inceste, la peine pour l'adultère, hein. Ça c'est des choses. L'interdiction du porc. Ni le porc qui a bien le sabot fourchu et fendu, mais qui ne rumine pas, vous le tiendrez pour impur, vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas à leur cadavre. Deutéronome 14:8. Tu vois, et l'intérêt, le riba, les intérêts, tout ça. Tout ça, c'est marqué dans le livre des Juifs et des Chrétiens. Ça, c'est juste pour vous montrer que c'est pas parce que ils le savent pas. Peut-être qu'il y en a qui le savent pas parce qu'ils le lisent pas. La majorité des chrétiens, je peux dire qu'ils ont jamais lu la Bible. En particulier les catholiques. Ils ont jamais lu la Bible. Peut-être le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, je pourrais dire peut-être, hein, 98%, 95%, ils ont jamais lu. Hein? Et ceux qui l'ont lu, hein, ils n'ont pas lu ces passages-là peut-être, donc ils savent pas. Après, quand ils parlent de l'islam, ils disent « Ah, mais vous, les musulmans, vos lois sont dures, vous avez la religion, c'est comme ci, c'est comme ça. Les principes qui sont mentionnés dans la Bible sont beaucoup plus durs que ce qui est écrit dans le Coran. Hein? » Nous, on a des lois beaucoup plus... Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à miséricorde. Avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même dans les lois qu'il a révélées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont plus miséricordieuses que celles qu'il avait prescrites au peuple de Moussa alayhi wa sallam. Exactement. Exactement. Ça, c'est écrit même dans leurs livres. Mais ça, c'est des choses que les rabbins ont falsifiées. Dans la Bible, ils ont même écrit, dans leur livre, ils ont même écrit des insultes sur les prophètes. Ils ont même écrit que certains prophètes ont commis l'inceste. D'autres, ils ont mentionné qu'ils ont fait l'adultère, avec qu'ils ont été voir des prostituées, des choses comme ça. Donc, dans leur livre, il y a beaucoup d'insultes contre les prophètes et beaucoup de mensonges contre Allah. Hein? Donc ça fait partie des falsifications, Yann. Le verset 85. Non, non. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a parlé du soufisme et des chiites, la même chose la dernière fois. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé sur une seule voie. Et quand il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba étaient sur une seule et unique religion, sur l'islam. Mais la même chose, qu'est-ce qui est arrivé chez les juifs et les chrétiens après la venue de Isa, après la venue de Moussa, les juifs se sont divisés, les chrétiens se sont divisés, et bien les musulmans aussi se sont divisés. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez suivre les juifs et les chrétiens. « La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin » ذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قيل من هم من يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن c'est-à-dire vous allez suivre les juifs et les chrétiens pas à pas. Le cheikh, hein, il le mentionne pas maintenant, mais il l'a déjà mentionné dans d'autres passages. Vous allez suivre les juifs et les chrétiens pas à pas jusqu'à ce que ils rentrent dans un trou de lézard. Même s'ils rentrent dans le trou de lézard, vous allez vouloir les suivre. Tellement vous allez les suivre et copier leur mauvais exemple, que vous allez même les suivre. S'ils décident d'entrer dans un petit trou, vous allez vouloir suivre ces gens-là là-dedans. Et les sahaba ont demandé, est-ce que c'est les juifs ou les chrétiens ou les messagers d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui d'autre? Et il a dit dans un autre hadith que... افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي رواية هي الجماعة. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, et ma umma va se diviser en 73 sectes. Elles seront toutes en enfer, excepté une. Les sahabes ont dit, laquelle, ô messager d'Allah? c'est-à-dire laquelle va être au paradis. Il a dit celle qui suit ce que j'ai suivi moi-même ainsi que mes compagnons. Donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont pas divisés dans la religion, dans la croyance. Ils étaient tous unis. Même si dans certaines choses, parfois, ils ont eu des divergences d'opinion entre eux dans certaines règles par rapport à la religion qui sont pas dans les fondements, hein, ça c'est pas grave. Ça crée pas des divisions. C'est pas ça qui fait des sectes. Qu'est-ce qui fait des sectes? C'est quand on se divise dans les bases de l'islam, dans les bases de la croyance. C'est là que les divisions arrivent et que les sectes se créent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti contre l'innovation, c'est pour ça justement. Il a dit, hein, وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. C'est-à-dire que celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Mordez dedans avec vos molaires et prenez garde aux nouvelles choses inventées dans la religion, car toute nouvelle chose dans la religion est une bid'a, est une innovation, et toute bid'a est un égarement, et tout égarement amène au feu. Donc, toute chose nouvelle dans la croyance, dans la pratique religieuse, amène une innovation, et c'est ces innovations-là, dans la croyance et dans la pratique, qui ramènent l'invention ou l'apparition de nouvelles sectes. Et qu'est-ce qu'on a vu par exemple chez les Shia? C'est ça, ça fait partie de ces innovations-là. Le premier qui est arrivé avec ça, c'est Abdullah ibn Saba. Et c'est un juif d'origine yéménite. Et il s'est fait passer pour un musulman. Et il en a profité pour propager parmi les gens des différentes villes toutes sortes de fausses croyances, hein, et les amener à se révolter contre Othman ibn Affan. Et par la suite, créer de la division entre les musulmans, et il a été la cause donc de la création de cette première secte, comme Paul a fait avec le christianisme. Donc Abdullah ibn Saba a voulu faire la même chose avec l'islam. Il a essayé de diviser les musulmans et il n'a pas réussi, alhamdoulilah, parce que les gens du tawhid sont toujours restés, les gens de la sunna sont toujours là. Sauf qu'il y a une partie des gens qui l'ont suivi parmi les égarés. Et donc aujourd'hui, on retrouve dans les pays musulmans environ 10% parmi eux qui sont parmi les chiites. Mais c'est une secte d'égarement. Et parmi les chiites, il y a différentes sectes. Donc les chiites, c'est pas une secte, c'est un groupe de sectes. Parce qu'il y a plusieurs sectes chiites. Il y a les Druzes, il y a les Nusayriyas, il y a les Ismaïliyas, il y a les Zaydiyas, il y a les Rafidas, qu'on appelle aussi Imamiyas, Ithna Ashriyas, Ja'fariyas. Tout ça, c'est des noms pour les Rafidas, et ces gens-là ne sont même pas considérés musulmans, dans le sens qu'ils sont en dehors de la croyance islamique. Puisqu'ils vont insulter les Sahaba, ils disent que le Coran qu'on possède aujourd'hui, ce n'est pas le même Coran que celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu. Donc ils disent qu'il y a un autre Coran pour eux. Ils disent que Ali radiallahu anhu, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a parmi eux qui l'élèvent au niveau d'une divinité. Il y en a d'autres qui disent que il est un imam parmi les imams qui étaient parfaits, qui connaissait l'invisible, qui connaissait toutes choses, qui avait le pouvoir sur tout, et que tous ses descendants ont cette qualité-là aussi, que ce sont des imams infaillibles, et qui connaissent l'invisible, et qui contrôlent tout dans l'univers, jusqu'à 12 descendants. Il y en a qui sont arrêtés à 8, il y en a qui sont arrêtés à 6, il y en a qui sont arrêtés à 12. Et ceux qu'on appelle les Rafidas, c'est les 12. On les appelle en français, ils ont traduit ça par un duodécimain. Ça veut dire ceux qui croient en 12 imams. Et c'est une secte parmi les sectes d'égarement. Et ils croient donc que 12 descendants de Ali sont des imams parfaits et infaillibles et tout puissants, hein, qui contrôlent l'univers. Et que le dernier d'entre eux, qui était le dernier, c'est pour eux l'imam Mahdi. ça fait 1200 ans qu'il est yani qu'ils l'attendent. Ça fait 1200 ans qu'ils l'attendent. Ils disent que quand il est né, il est devenu invisible. Et qu'il existe maintenant depuis ce temps-là jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il apparaisse à la fin des temps. Donc ils disent que là, il est en invisibilité, puis qu'à la fin des temps, il va réapparaître pour donner la victoire aux chiites. Hein? Donc c'est, ça, c'est des fausses croyances. Ça n'a rien à voir avec la croyance de l'islam. Aussi, ils les adorent en dehors d'Allah. Parce que tous les descendants de Ali, ils leur font des oratoires et des mausolées. Et ils vont à leur tombe faire des pèlerinages et leur offrir des prières et ainsi de suite. Et c'est ça la religion des chiites, c'est l'adoration des morts et des saints. Et quand ils ont un malheur ou une détresse, ils prient. Ya Ali, Ya Hussein, Ya Fatima. Hein? Ils les invoquent pour les appeler au secours en dehors d'Allah. Ça c'est de l'idolâtrie, c'est du shirk. Donc les rafidans, c'est des mouchriquins. Hein? Naam. Et les soufis, eh bien, les soufis viennent en réalité de la même région d'où viennent les chiites. Et à cause de ça, donc, on voit qu'il y a un lien entre le soufisme et le chiites. Les attributs que les chiites donnent à leurs imams infaillibles, eh bien, les soufis le donnent à leurs cheikhs, parmi ceux qu'ils appellent les awliya, hein, les hommes pieux ou les sayyids. Et ils vénèrent ces hommes-là et ils les élèvent à des niveaux surhumains. Et parfois même, il leur donne même des attributs divins, comme par exemple de connaître l'invisible, et ainsi de suite. Et ils vont à leur tombe, et ils leur demandent la baraka. Hein, ils vont faire des pèlerinages à ces tombes-là. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on retrouve dans la majorité des pays musulmans. Et ça, ça vient du soufisme. Et c'est encouragé par les soufis. Et ils prétendent que le soufisme, c'est juste de faire du dhikr, qu'est-ce qu'ils appellent le dhikr, c'est-à-dire de faire le rappel d'Allah. Sauf que le rappel d'Allah, dans la sunna authentique, le prophète Sansoum nous a montré comment faire le dhikr. Mais les soufis, eux, ont inventé leur propre façon de faire le dhikr, qui n'a rien à voir avec l'exemple de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans la sunna. Et parmi les exemples de ce qu'ils ont inventé comme dhikr, c'est par exemple de rajouter dedans de la musique, des tambours, ou des danses, ou des mouvements, ou une certaine forme de respiration spéciale, ou des choses comme ça. Hein? Et donc tu les vois dans les mosquées, ils se mettent tous en rond, et là ils commencent à danser comme ça, ils se bougent en avant, en arrière. Et là, ils commencent, il y en a qui vont dire, par exemple, il y en a qui commencent à faire ho, ho, ho, ho, ho. Puis ils vont commencer comme ça pendant des heures. Hein? Parce qu'ils pensent que le fait de dire ho, c'est un dhikr. Hein? Et il y en a qui vont dire Allah, Allah, Allah, Allah. Comme ça, tout en groupe, là, pendant une heure. Il y en a qui vont répéter un autre nom. Hey, ya hey, ya hey, ya hey. Hein, vivant, ô vivant, ô vivant, ils répètent comme ça. Il y en a qui rajoutent comme si des danses avec ça. Il y en a qui dansent en rond. Même justement, il y en a des soufis qui ont mis une vidéo de leur bid'a. Hein? Je vais vous montrer juste pour vous donner une idée, parce que justement, je l'avais téléchargé. Juste pour que vous voyez qu'est-ce que ces gens-là font. Qui n'a rien à voir avec l'islam ou la sunna. Donc là, ils sont tous là, autour de leur cheikh, et ils sautent. Et vous les voyez comme ça sauter en rond, hein, tous ensemble. Et ils pensent que ça, c'est la religion de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait ça. Les sahabas n'ont jamais fait ça. Et là, en plus, le pire, c'est qu'ils ont le tambour, puis il y a l'autre qui est en train de chanter en même temps. Hein? Et eux, ils pensent que c'est correct. Et même, des fois, ils se mélangent avec les femmes pour faire ça. Et les femmes soufis, en général, sont très lousses, non? Le hijab, ils se voilent à peine. Hein? Une petite affaire là qui laisse les cheveux paraître et tout. Ils montrent vraiment un laxisme dans ces choses-là, et ils font exprès même. Parce qu'eux, ils essaient toujours de montrer que le soufisme, c'est l'amour, c'est la tolérance, c'est l'acceptation de l'autre, de ne pas juger personne. Donc, eux, ils jouent là-dessus. Je me rappelle quand je venais juste de me convertir, il y en a un, il essayait de jouer avec moi là-dessus. Il me disait, oh, tu sais, mon frère, quand tu vas dans une mosquée, des fois, tu fais ta prière, et là, il y a quelqu'un qui vient te voir et dit, pourquoi tu mets tes pieds comme ça? Fais pas ça, fais ça. Comme si, il essaie de me dire, comme si en voulant dire, regarde ceux qui sont pas comme nous, là, ceux qui sont pas soufis, ils sont durs, ils sont méchants, ils vont dire des choses méchamment, puis là, c'est pas correct. Qu'est-ce qui est important, c'est le cœur, c'est pas comment tu places ton pied. Ajib, non, c'est pas vrai. Ton cœur, c'est important. Et comment tu te recueilles avec Allah subhanahu wa ta'ala et ton humilité, ta dévotion. Ça, c'est important, c'est fondamental. Mais en même temps aussi, la façon comment tu places ton corps et la façon dont tu fais les gestes, ça aussi, c'est important. Parce que ça fait partie de la sunna. Donc, pourquoi jouer avec les gens, de leur faire comprendre que toi, tu mets plus d'importance sur une chose que l'autre, et comme si les autres n'étaient pas d'accord avec ça déjà. Nous, on n'est pas en train de dire que le cœur n'est pas important, mais on est en train de dire que les deux sont importants. Et qu'il ne faut pas négliger l'un ou l'autre. Donc, le soufisme fait partie des sectes, mais il n'y a pas juste une secte soufie, il y a des centaines de différentes turuqs. Chaque cheikh, en général, il fait sa propre tariqa, et il a des élèves. Et pour être dans sa tariqa, il faut que tu te fasses initier, tu dois faire une initiation. Et ça implique faire certaines choses ou dire certaines choses, et que tu dois donner allégeance à ce cheikh, que tu vas l'écouter et l'obéir aveuglément dans tout. Hein? Et des fois, je me demande même s'ils ne croient pas qu'ils se prennent pour des prophètes. Hein? A'ouzou billah. Et ensuite, également, bon, il y a toutes sortes de choses. J'ai fait 15 cours sur le soufisme. Ils sont sur mon site, Salafi de Montréal. Si tu rentres dans le site, tu écris dans la barre de recherche, tu écris soufisme. Tu vas trouver le cours sur la réalité du soufisme. J'ai fait 15 cours là-dessus. J'ai expliqué en détail ces choses-là. Donc, ça pourrait t'aider là-dessus. Puis tu vas savoir donc qu'est-ce qui a rapport avec ça. Pardon? Le Mahdi, Naam. Oui, il y a le Mahdi qui va venir à la fin des temps. Ça, c'est vrai, oui. Sauf que eux, les chiites, ils disent qu'il est déjà là, dans le sens que ça fait 1200 ans qu'il était là, qu'il est rentré en occultation, comme ils disent. Raybouba. C'est-à-dire qu'il est devenu invisible depuis qu'il était bébé, puis qu'à la fin des temps, il va apparaître. Mais eux, ils disent qu'il va apparaître pour tuer les sunnites. Pour tuer les musulmans qui sont sur la sunna. Et ils disent qu'il va faire sortir Abu Bakr et Omar de leur tombe, il va les faire revivre, il va les accrocher à un arbre, puis il va les châtier comme ça, pendant des centaines et des centaines de fois. Il y en a pour les punir des péchés qu'ils ont faits, soi-disant, contre l'imam Ali. Et tout ça, c'est des mensonges, il y en a des choses qu'ils ont inventées. Le vrai Mahdi, c'est pas ça, par rapport avec ça. Il va établir la justice sur la terre, et ainsi de suite. Il va venir à une période proche de celle de Isa, alayhi salam, même que Isa, Jésus, va prier derrière l'imam Mahdi. Et également, il va être dans la période aussi du Dajjal, parce que Isa, alayhi salam, va tuer le Dajjal. Donc ça, c'est la fin des temps, ça. Ben, justement, c'est pour ça qu'on dit que... Justement, toutes les sectes et les gens d'égarement en général, ils vont suivre le Dajjal en pensant que c'est soit Isa ou soit le Mahdi. Ou les Juifs vont suivre le Dajjal en pensant que c'est leur Messie. Hein? Et les Chiites vont suivre le Dajjal pensant que c'est le Mahdi, et ainsi de suite. Mais le Dajjal, c'est un antéchrist, c'est celui qui a des pouvoirs de faire certains miracles ou certains prodiges, des choses étonnantes, mais qui est quelqu'un qui oppose la religion d'Allah. Donc, comme on a dit ici, que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter une religion autre que l'islam. Et juste pour vous donner, on va terminer avec ça, parce qu'on a parlé beaucoup d'autres choses qui n'étaient pas directement reliées avec le cours aujourd'hui, mais qui, disons que c'est relié au cours, mais c'était pas dans qu'est-ce que le cheikh a expliqué, mais c'était comme important aussi quand même d'en parler. Inch'Allah, il y a une note ici de bas de page. Le cheikh dit: وَجَاءَ ذَلِكَ عَنْ مُصْطَفَى السِّبَاعِ فِي كِتَابِ Dr. مُصْطَفَى السِّبَاعِ رجل فكرة وقائد دعوة. Dans son livre رجل فكرة وقائد دعوة, il a dit: فليس الإسلام دينا معاديا للنصرانية بل هو معترف بها ومقدس لها, وأما توهم الانتقاص من المسيحيين وامتياز المسلمين فأين الامتياز؟ أفي حرية العقيدة؟ والإسلام يحترم العقائد جميعا أم في الحقوق المدنية والتساوي في الواجبات؟ والإسلام لا يفرق بين مسلم ومسيحي ولا يعطي للمسلم في الدولة أكثر من المسيحي, والدستور ينص على مساواة المواطنين جميعا في الحقوق والواجبات. Donc ça c'est parmi les frères musulmans, même comme ceux qui ont pris le pouvoir en Égypte et en Tunisie actuellement, font partie de ce groupe d'égarements. C'est des gens qui essaient d'adapter l'islam aux droits de l'homme, d'adapter l'islam à la démocratie et à toutes ces idées fabriquées par l'homme. Donc au lieu, eux, de dire ces systèmes-là qui sont inventés par les hommes sont incorrects, imparfaits, incomplets, et que c'est l'islam qui est parfait et c'est l'islam qu'il faut suivre, eux, ils font le contraire. Ils essaient d'interpréter l'islam à la lumière de ces idéologies humaines, pour que les ennemis de l'islam ou pour que les non-croyants soient contents de ces gens-là. Donc eux, ils veulent plaire aux hommes et non pas à Allah. Donc un d'entre eux, c'est Mustafa al-Sibari, il écrit un livre et il dit dedans, en essayant d'expliquer pourquoi il veut établir comme il voudrait que l'islam soit établi, parce que l'islam, ça ne s'établit pas par des élections ou par la démocratie. C'est par la prêche que l'islam s'est installé partout, par la da'wa. Les prophètes, quand ils ont enseigné l'islam, ils ont appelé les hommes au tawhid. Et le but, c'était pas d'avoir le pouvoir sur la terre ou d'établir un pouvoir sur la terre. Le but, c'est d'appeler les hommes à Allah pour qu'ils adorent leur créateur et pour qu'ils soient sauvés de l'enfer, sauvés du shirk. Donc, eux, ils ont renversé la religion en un truc politique. Et en rentrant dans la démocratie, eh bien, ils ont introduit dans l'islam ce genre de problèmes d'hypocrisie et de discours démagogues dans le but de satisfaire les masses et de leur dire ce qu'ils veulent entendre. Donc il dit ici, pour faire plaisir aux chrétiens, l'islam n'est pas contre le christianisme. L'islam reconnaît même le christianisme et le considère comme quelque chose de sacré. Et ceux qui pensent que il y a un niveau plus bas où que les chrétiens sont diminués par rapport aux musulmans, où est-ce qu'elle est cette excellence, où est-ce qu'elle est cette position qu'on donne qui serait meilleure aux musulmans? Est-ce que c'est dans la liberté de croyance, en voulant dire que lui il reconnaît ou il prétend qu'il y a une liberté de croyance dans l'islam? Or c'est faux. Ça ne veut pas dire qu'on va forcer quelqu'un à devenir musulman, non. Mais ça veut dire qu'on les appelle à croire à la foi et à l'islam par des arguments et par les explications. S'ils acceptent l'islam, alhamdoulilah, sinon, selon l'état des musulmans, selon la situation des musulmans, si les musulmans ont la force, ils vont établir le combat pour la cause d'Allah et établir l'islam dans le pays. Et si eux, ils ne veulent pas devenir musulmans, ils ont le droit de refuser. S'ils refusent, ils vont payer la jizya, c'est-à-dire ils vont payer une taxe de capitation pour dire que on n'accepte pas l'islam. Donc, on est forcé maintenant de payer cette taxe-là. S'ils ne veulent pas payer la taxe et ils ne veulent pas accepter l'islam, les musulmans vont les combattre Et quand ils ont la capacité de le faire, bien entendu, et ils vont établir l'islam dans le pays. Et ça veut dire que c'est l'islam qui va gérer, qui va diriger. Tandis que eux vont garder leur religion s'ils ne veulent pas devenir musulmans, mais on va continuer à les appeler à l'islam et de leur expliquer l'islam jusqu'à ce que Allah guide parmi eux ceux qu'il a guidés. Mais ce n'est pas vrai de dire que les gens sont libres de croire en qu'est-ce qu'ils veulent, puis qu'il n'y a pas de différence entre la croyance de l'islam ou du christianisme, que Allah accepte tout. Comme là ici il dit, l'islam respecte toutes les croyances. Il dit al-islam yahtarimu al-aqaid jami'an. Il dit l'islam respecte toutes les croyances. Ça c'est faux. Donc lui il prétend ça, et ça c'est, tu le retrouves souvent chez les gens de la secte des frères musulmans, al-Ikhwan al-Muslimoun. Et cette secte elle est fondée en 1928 par justement un homme qui s'appelait Hassan al-Banna, qui était soufi, qui faisait partie des soufis de la tariqa al-Hissafiyya al-Shaziliya. Donc il fait partie d'une tariqa soufi, Shazili. Et il a suivi un de ces chouyouks là, de cette tariqa. Donc eux ils ont ces idées là qui sont déviés de l'islam, et ça, ça l'a empiré encore plus lorsqu'il a entré dans ça, le système de la démocratie, commencer à se présenter dans les élections, faire un parti politique, essayer de gagner des voix pour rentrer au Parlement. Puis eux, ils pensent qu'en rentrant dans le Parlement, s'ils ont le plus de sièges possible, ils vont pouvoir essayer de voter des lois, pour essayer de faire changer les lois, pour essayer de faire incorporer des lois islamiques dans le système, et ainsi de suite. Puis à la fin, ça devient zéro. Ça devient rien, parce qu'ils n'arrivent jamais à changer le système. Le système est plus fort que ça. Donc c'est quelque chose qui est voué à l'échec en partant. Et à travers l'histoire, depuis qu'ils sont apparus en 1928 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais établi aucun état islamique nulle part dans le monde. Et à chaque fois ils ont perdu. Et là maintenant en Égypte, ils ont pris le pouvoir un an, déjà ils ont été renversés. Et avant même de rentrer dans les élections, ils ont dit aux gens nous on ne veut pas appliquer la loi islamique. Déjà en partant. Et ils ont dit, le pouvoir, la source du pouvoir, c'est le peuple. Ça, c'est pas dans l'islam, ça. Et en Tunisie, hein, comme le cheikh Mohamed Bin Hadi, il expliquait, il dit, il y a une femme espagnole qui est venue dans une délégation pour faire des conférences, puis elle est rentrée en Tunisie, elle a dit, quand elle s'est adressée aux gens, elle a dit, je suis étonné, vous êtes des islamistes, vous avez pris le pouvoir, vous êtes des frères musulmans, vous avez pris le pouvoir en Tunisie. Pourtant, je vois encore les bars, l'alcool, tous les péchés. Donc, pourquoi vous avez pas interdit toutes ces choses-là? Et eux, ils ont répondu, ils ont dit, non, nous, on n'applique pas l'islam de cette façon-là, on ne veut pas forcer les gens, on veut les laisser, hein, et on ne veut pas forcer les gens, on ne cherche pas ce genre d'islam-là. Alors que c'est quoi le yani que le professeur Sam a fait? C'est quoi qu'il a enseigné? C'est d'appliquer la loi d'Allah, d'ordonner qu'est-ce qui est bien et d'interdire qu'est-ce qui est mal, et d'appliquer la charia. Donc ces gens-là veulent pas vraiment la charia. Ils veulent pas appliquer l'islam vraiment, mais ils veulent plutôt établir leur pouvoir à eux et profiter de l'argent. Et beaucoup d'entre les gens qui ont étudié ce groupe-là et dans ses origines, ils ont même mentionné que à la base de ces groupes-là, ceux qui les ont financés, qui les encouragent, ce sont justement les pays occidentaux et les ennemis de l'islam, pour créer du désordre dans les pays musulmans. Toutes les manifestations, les révoltes qui se sont passées dans les pays arabes dernièrement, tous les savants d'islam qui sont sur la sunna ont interdit ce genre de choses-là. Mais eux, ils l'encouragent, toujours pour opposer la sunna et le Coran. Alors ça, c'est des exemples de manifestations de contradiction à l'islam qui est présente dans ces groupes politiques-là, comme les frères musulmans, et il y en a d'autres aussi. Après, il parle aussi, il dit que l'islam respecte toutes les croyances, l'islam y donne tous les droits civils et toutes les obligations civiles et les devoirs égaux entre les juifs et les chrétiens. Il n'y a aucune distinction entre le musulman et le chrétien dans l'État. Et il dit que la constitution mentionne textuellement l'égalité de tous les citoyens dans tous les droits et dans toutes les obligations. Ça, c'est pour montrer que ces gens-là, ils n'appellent pas à l'application de l'islam, mais plutôt à l'association, à l'application des règles, des lois civiles, des kuffars, et de leur système. Donc, tout ça, c'est pour montrer que c'est contraire à l'islam et qu'il n'y a pas ce genre de liberté de croyance dans la religion musulmane. Donc là, je me suis un petit peu attardé plus à ça parce que c'est des choses qui sont fondamentales, qui sont importantes et que c'est des choses que vous allez entendre dans les médias, dans les journaux, dans les magazines, à la télévision, que si vous n'êtes pas averti de ça, vous risquez peut-être d'être confus ou d'être mélangé par rapport à ces choses-là. Donc c'est important d'en parler et de l'expliquer, de le clarifier. Et j'ai remarqué que les koufars maintenant, ils attaquent beaucoup les salafis et ceux qui suivent la voie des salafs, et c'est-à-dire ceux qui suivent la voie des pieux prédécesseurs, les premiers musulmans, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les tabi'in, les élèves des compagnons, et ainsi de suite. Ceux qui reviennent à leur croyance et à leur méthodologie, ils suivent cette voie de l'islam, qui est la compréhension pure, qui est purifiée de toute innovation. Donc nous, on appelle à cette voie de la salafia. Dans les médias maintenant, ils sont en train d'accuser tous les groupes qui font des égarements, des déviations à l'islam, comme par exemple les gens qui utilisent la violence, les gens qui font des manifestations, qui font du désordre, qui font du tort sur la terre, même des gens qui ont fait qui ont essayé de faire des renversements ou des coups d'État en Afrique, comme au Mali, dans le nord du Mali, ou bien qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie, ou en Égypte, ou au Yémen. Ils les appellent des salafistes, alors qu'ils n'ont rien à voir avec la voix des salafs, et ils n'ont rien à voir avec les savants de l'islam qui suivent la voix des salafs non plus, puisque tout ce qu'ils font est condamné par les ulama, les savants de l'islam salafi. Donc ces médias là font exprès pour faire croire aux gens que ceux qui font ce désordre là sont des salafis, pour les éloigner, pour faire peur aux gens à propos de la salafia, et pour mentir sur les salafis, et en même temps pour accuser les salafis de choses dont ils sont innocents, tu vois. Oui, donc il y a des groupes ou des gens qui vont essayer de dire les salafis c'est une secte comme les autres sectes ou des choses de ce genre. Et ceux qui disent ça en général, c'est des gens qui sont eux-mêmes dans une secte. Ils savent très bien que c'est faux en général, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de suivre son exemple et l'exemple des sahaba. Donc celui qui suit cette voie-là, c'est lui qui suit la secte qui est sauvé, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a 73 sectes et qu'il y en a une seule qui sera sauvée, et c'est celle qui suit son exemple et l'exemple de ses compagnons dans la croyance, dans la pratique et dans leur exemple, dans tout ce qui a rapport avec l'islam. Et il ne faut pas penser que l'exemple des sahaba c'est quelque chose qui existait à l'époque puis qui est disparu aujourd'hui, qu'on n'a aucun moyen de la retracer puis de la connaître. Tout ce que les sahaba ont mentionné sur les principes de la foi et de la religion et comment on doit comprendre le Coran et la Sunna, non seulement Allah a préservé le Coran et la Sunna, mais il a aussi préservé ça. Et donc, on a les livres, on a les références, on a les paroles des salafs qui nous enseignent et qui nous expliquent comment comprendre correctement le Coran, comment comprendre correctement la Sunna. Et ça, c'est leur islam, comme les sahaba l'ont compris, avant que les divisions et les sectes apparaissent. Maintenant, aujourd'hui, les musulmans qui suivent cette voie, la salafia, on appelle les gens à revenir à l'exemple des sahaba, à revenir à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à abandonner les différents groupes et les différentes sectes, comme les frères musulmans, comme les soufis, comme les chiites, comme les ahbash, et comme les autres sectes, et à laisser ça et à revenir à l'islam, à revenir au tawhid, à revenir à la sunna, et à ce que tous les musulmans s'unissent, mais sur la vérité. Pas juste de s'unir sur juste physiquement, de dire on va être ensemble, non. Parce qu'il y en a qui disent, ah, les salafis divisent les musulmans, ils divisent les gens. La division, elle existe déjà. C'est pas moi qui l'ai inventée. C'est pas les autres qui. Elle existe. Eux, ils pensent qu'en ne mentionnant pas les noms des groupes et des sectes, qu'on va unir les musulmans parce qu'on ne le mentionne pas. Alors que la division, elle est là. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'en parlent pas et ils ne le disent pas, mais ils l'ont tous chacun dans leur cœur. Et ils font tous leur prêche en cachette contre les autres, les uns contre les autres. Nous, on appelle ouvertement et clairement au Coran et à la Sunna et on dit laissez toutes les sectes et laissez tous les groupes et suivez le Coran et la Sunna et l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, s'ils te disent que c'est une secte, les salafis, tu leur dis, demande-leur, que font-ils qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna et la compréhension des premiers musulmans? C'est quoi leurs erreurs? Parce que si c'est une secte, il faut qu'ils aient contredit le Coran quelque part. Il faut qu'ils aient contredit la Sunna quelque part. Il faut qu'ils aient contredit l'exemple des Sahaba et des Salaf quelque part. Si tu retournes aux livres des savants de l'islam, si tu vois les définitions qu'ils ont données des Salaf, qu'est-ce que c'est? Ils ont dit les Salaf, ce sont les Sahaba, les Tabi'in et les Tabi'in, les trois premières générations. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, la meilleure génération c'est la mienne, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Khayrun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Donc, ça c'est les trois meilleures générations. Et c'est eux les Salaf. Et c'est eux qu'on doit suivre. Et eux, quand les sectes sont apparues, ils les ont réfutés. Et ils les ont rejetés. Et ils n'ont pas accepté les sectes. C'est pas comme aujourd'hui, là, ces groupes-là qui nous disent « Non, toutes les sectes sont bonnes. Tout le monde est musulman. C'est pas grave la secte que tu suis. L'important, c'est d'être musulman. » C'est pas vrai, ça. Puisque les Sahaba, ils n'étaient pas divisés en sectes. Et quand les sectes sont apparues, ils les ont rejetés. Donc, c'est ça l'exemple des salafs. C'est ça qu'on doit suivre. Peut-être que là, vous êtes nouveau. Quand on vous explique ces choses-là, c'est théorique. Pour vous, c'est un peu abstrait. Parce que vous n'avez pas de vécu, vous n'avez pas d'expérience par rapport à ça. Donc, vous entendez parler de ces choses-là, mais ça reste juste comme des paroles. Mais quand vous allez évoluer dans votre pratique religieuse, dans votre islam, dans votre connaissance, que vous allez côtoyer et faire face à des gens à l'extérieur qui auront des propos ou des idées ou des paroles qui sont différentes, eh bien là vous allez être capable d'analyser les discours et de comparer et de vous souvenir de qu'est-ce qu'on vous disait aujourd'hui. Donc moi c'est certain que lorsque je me suis converti à l'islam, j'ai par la suite fait face à tout ça. Mais alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a guidé parmi toutes ces divergences-là et il m'a aidé à comprendre où se trouvait le droit chemin et la sunna. Naam. La secte sauvée, il y en a une, et il y a les sectes d'égarement. Oui, le groupe sauvé, la secte sauvée. Et en général, yani, le terme dans les hadiths qui est mentionné, c'est al-firqa, qui est traduit comme secte. Le pluriel, c'est firaq, les sectes. Ou al-milla, la voie, ou la religion. Donc, c'est différents termes qui sont employés. En général, firqa, c'est péjoratif. C'est-à-dire, c'est négatif. C'est pas bon. C'est pas quelque chose de bon. Mais c'est pour ça qu'on rajoute al-najia, al-firqatu najia. Pour dire que c'est elle qui est sauvée. Parce que les autres firaq sont des firaq al-halika, des firaq qui périssent, qui sont dans la perdition et dans l'égarement, qui sont menacés vers le feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, on va s'arrêter avec ce hadith-là, une fois il était avec les sahaba, et il a pris sur le sol, il a tracé une ligne droite. Il a tracé à droite et à gauche de cette ligne plein de petits traits de chaque côté. Il a pointé vers la ligne droite et il a dit ça c'est le chemin d'Allah. Et il a récité le verset à la fin, il a dit: ceci est mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous égarer et vous diviser de son chemin. Dans surat Al-An'am, je crois. Et quand il a pointé au petit chemin de chaque côté, il a dit: ceux-là sont des sentiers. À la tête de chacun de ces petits sentiers-là, il y a un diable qui appelle les gens à le suivre. Donc, les ulama ont tiré de ça que la vérité, c'est un seul chemin, c'est une seule voie. Et l'égarement, elle est multiple. Elle a plusieurs visages. Elle a plusieurs formes et faces. Donc, à la tête de chacune de ces égarements-là, il y a un diable qui invite les gens à le suivre. Donc c'est pour ça. Ça représente les différentes innovations, les différentes sectes, les différents groupes. Hein? Et comme on a expliqué au dernier cours, avant de rentrer sur le chemin, hein, il y a plein de chemins. C'est comme si, comment je pourrais vous illustrer ça, c'est comme si par exemple, il y a plein de chemins comme ça qui t'amènent vers le droit chemin, puis sur le chemin, il y a plein de sentiers de chaque côté. Hein? Donc, ici, ça c'est des différents chemins. Ok? Bon, le problème c'est que, ici disons, plutôt qu'il y a différents chemins qui vont aller dans vers différentes directions. Puis il y en a un qui t'amène vers le sentier. Donc, différentes voies, ok, qui vont de différentes façons. Ça, c'est avant de rentrer dans le chemin. Ok? Puis, une fois que tu es sur le chemin, ça veut dire ça, c'est des différentes religions, on va dire. Puis là, il y a le chemin de l'islam, le chemin d'Allah, du tawhid et de la foi, des prophètes. Tous les prophètes sont sur ce chemin-là. Et sur le chemin, il y a différentes portes qui t'amènent vers des voies d'égarement. Et à la tête de chacun, il y a un diable ici qui appelle les gens à rentrer. Ça représente les égarements à l'intérieur de l'islam qui essaient de te faire sortir du bon chemin. Hein? Et donc, c'est pour ça que c'est arrivé, comme on a dit, chez les chrétiens, c'est arrivé chez les juifs. Et ça arrive parmi les musulmans aussi, qu'il y a des gens qui essaient de changer le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de le transformer en quelque chose d'autre. Hein? Et il y en a qui ont incorporé des erreurs dans les fondements de la croyance, des innovations dans les croyances et dans les pratiques. Et c'est ça qui a fait qu'il y a des sectes qui sont apparues. Là maintenant c'est le Ramadan, donc j'ai voulu faire un cours sur ce livre-là parce que vous êtes des frères qui venez de vous convertir il n'y a pas longtemps, puis il y a d'autres frères qui viennent aussi, c'est profitable. De toute façon, j'avais commencé ce livre-là il y a longtemps, puis j'ai l'intention de le terminer inchallah, mais après le Ramadan inchallah, peut-être qu'on pourra ajouter un autre cours sur un autre sujet en parallèle qui a rapport avec la compréhension de la croyance islamique, mais de manière plus spécifique, plus particulière, par rapport aux divergences, aux divisions qui existent entre les musulmans sur les questions de croyance, pour être capable de distinguer parmi les différents groupes musulmans qu'est-ce qui est vrai ou faux par rapport à ces choses-là. Mais aussi, même si on ne fait pas ça, vous allez comprendre que dans le livre en question, on va toucher à des points qui seront directement reliés à ces sujets-là, qui vont clarifier beaucoup de choses, même si on ne rentre pas toujours dans les détails. Hein? Donc vous allez avoir à la fin de ce livre, disons, une connaissance de base sur les enseignements islamiques qui vont vous permettre d'avoir une vue d'ensemble des principes les plus importants de la religion musulmane. Et beaucoup de gens qui ont étudié ce livre-là hein, Usul al-Thalatha, les trois fondements, ils m'ont dit, c'est après avoir étudié ce livre-là que j'ai vraiment commencé à comprendre ma religion. Et ça, c'était des gens qui sont nés dans l'islam. C'est-à-dire qu'ils disent, avant d'avoir étudié les trois fondements, j'étais musulman, je croyais en l'islam de façon générale, mais après avoir étudié les trois fondements avec l'explication, là je peux dire que c'est là que j'ai commencé à savoir réellement qu'est-ce que c'était l'islam. Hein? Parce que tu en sors avec une compréhension plus globale et plus générale et vraiment claire, inshallah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين